Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 28 juin, c'est la Saint Irénée qui est un prénom autant masculin que féminin. Il se fait très rare d'ailleurs. Ça vient du grec signifiant paix. Ouvert, sympathique, extraverti, communicatif, les Irénées possèdent de grandes facilités d'expression. Jovial et de bonne humeur, ils sont avant tout affectifs et ont besoin des autres pour se sentir exister. Ils aiment bavarder et amuser leur entourage. D'une sensibilité extrême, ils peuvent passer par des états émotionnels intenses. Ils tendent à se mêler de ce qui ne les regarde pas, soit pour accroître leur ascendant sur autrui, soit simplement par souci de bien faire ou par pur altruisme. Intuitif, ils s'adaptent rapidement à toute situation. Ils croient aussi en leur chance, ce qui leur confère une certaine confiance en eux-mêmes et en leur bonne étoile. Ils ne sont pas toujours tournés vers l'effort, la rigueur ou la constance, mais se montrent bien souvent fantaisistes, bohème. Parfois, les Irénées sont des prénoms faciles et agréables. Ils donnent une personnalité attachante, expressive et gaie. Plus ils seront conscients de leur atout et en tireront parti positif, plus leur vie sera constructive et dynamique. Les risques de dispersion sont tout aussi forts et c'est un point sur lequel il sera judicieux de veiller. Dicton du jour à la Saint-Irénée, il convient de se remettre à son métier. Le jour de la Saint-Irénée, c'est l'un des plus beaux de l'année. Pluie de Saint-Irénée réduit la vie de moitié. Alors ce dicton, il ne nous concernera pas du tout aujourd'hui. On en parle tout à l'heure. Pas de célébration internationale aujourd'hui et ça s'est passé un 28 juin en 1838. C'était le couronnement de la reine Victoria du Royaume-Uni et en 2006, le Monténégro devenait le 192e état membre de l'ONU. Allez, petite pause musicale. Félix Gray, Didier Barbelivien, à toutes les filles. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elles savaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie. Quelque chose de secret, elle gravait nos deux cœurs sur les arbres des forêts. Elle pleurait comme on pleure quand on a trop aimé. Les océans font des yeux bleus. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. De leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, de plage au soleil en dîner, dansant, aux secrets murmurés, aux passions déchirées, je suis. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Elles avaient dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elles gravaient. Thank you. elle dansait pour nous garder plus amoureux. Elle disait que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait Félix Gray, Didier Barbelévien sur RGM, presque 8h37, on parle anniversaire, ils sont nés un 28 juin 1939, naissance de Jean-Paul Loth, entraîneur de tennis français, ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et consultant tennis à la télévision. 1946, naissance de Bruce Davison, acteur américain, vu dans X-Men 1 et 2 dans le rôle du sénateur Kelly, dans la série télé Battlestar Galactica, Terminator, les chroniques de Sarah Connor ou encore Castle. 1947, naissance d'Annie Dupéré, actrice et romancière française, vue au cinéma dans Un éléphant, ça trompe énormément. Germinal, Danse avec lui, De l'autre côté du lit. L'amour dure 3 ans, mais on la connaît surtout pour son rôle de Catherine Beaumont depuis 1992 dans la série Une famille formidable. On l'a vue également dans la série La vocation d'Adrienne, dans le rôle d'Adrienne. 1 et 1 font 6. Chère Marianne, dans le rôle de Marianne Rivet. Ou encore Le tueur du lac, dans le rôle de Françoise. 1948, naissance de Kathy Bates, actrice américaine, connue pour son rôle d'Annie Wilkes dans Misery, qui lui a valu le Golden Globes de la meilleure actrice ainsi que l'Oscar de la meilleure actrice, vu également dans Titanic dans le rôle de Molly Brown, Le tour du monde en 80 jours dans le rôle de la reine Victoria, PS I Love You, Les Noces Rebelles, Valentine's Day, Minuit à Paris, la série télé Six Feet Under, The Office ou encore Mon oncle Charlie. 1954, naissance d'Alice Creech, actrice sud-africaine, vue dans Star Trek Premier Contact dans le rôle de la reine Borg, Silent Hill dans le rôle de Christabella ou encore Thor, le monde des ténèbres. 1958, naissance de Félix Gray, chanteur français. 1966, naissance de John Cusack, acteur américain, vu dans 16 bougies pour Sam, La ligne rouge dans le rôle du capitaine John Gaff, dans la peau de John Malkovich ou encore Le majordome dans le rôle de Richard Nixon. C'est également l'année de naissance de Mary Stuart Masterson, actrice américaine connue pour son rôle de Kim Ebert dans le film Et l'homme créa la femme. 1968, naissance de Kali, chanteur français. 1971, naissance de Fabien Barthez, ancien footballeur français, gardien de but entre 1990 et 2007, qui a joué, à Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United, Marseille et il a terminé à Nantes. Et avec l'équipe de France, il a remporté la Coupe du Monde 98, on s'en souvient, l'Euro 2000 et la Coupe des Confédérations en 2003. Il a aussi gagné la Ligue des Champions en 1993 avec l'Olympique de Marseille et il est reconverti en pilote automobile. 1976, naissance de Gaspard Proust, humoriste et acteur slovéno-suisse, vu dans le film L'amour dure 3 ans dans le rôle de Marc Maroni. 1986, naissance de Syra Bademmbele, handballeuse française avec l'équipe de France et les vice-championnes olympiques en 2016. Capitaine de l'équipe de France, championne du monde en décembre 2017. Professionnelle depuis 2003, qui a joué à Dreux, Mérignac, Issy-les-Moulineaux, Toulon-Saint-Cyr, Sanders, au club de Vardar-Skobs et à Rostov-Don. Et pour la prochaine saison, elle jouera de nouveau pour l'équipe de Toulon-Saint-Cyr. C'est également l'année de naissance de Kevin Niokas, ancien handballeur français qui a fait carrière de 2006 à 2017. En jouant au Paris Saint-Germain, Chambéry, à Frigshofgoppingen, à Gamberbach et avec l'équipe de France. Il est notamment champion d'Europe en 2014 et champion du monde en 2015. 1994, naissance de Maëva Cook, Miss France 2018. En 1975, décédé Rod Serling, scénariste américain, créateur de la série télé La Quatrième Dimension. Et en 2004, décédé Georges Decaune, homme de télévision, journaliste français, père d'Antoine Decaune. Allez, petite pause avec Kali et le titre, c'est Quand le bonheur. Bondé à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, Cali sur le 107FM. Il est presque 8h45, on parle météo. La météo. Alors, eh bien, comme depuis le début de la semaine, hein, ça va être encore du soleil et de la chaleur. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés cet après-midi. Pour vendredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés l'après-midi. Samedi, ensoleillé également, des températures qui augmentent encore. Elles seront comprises entre 16 et 17 degrés le matin et entre 28 et jusqu'à 30 degrés prévues pour samedi après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Tennis. Nice à Antalya, carton plein hier pour nos joueurs tricolores. Manarino s'est qualifié en 2-7 face à Berenki, 6-4, 7-5. Monfils s'est qualifié en 3-7 face à Kavčić, 6-3, 5-7, 7-5. Et Herbert s'est qualifié en 3-7 face à Sugita, 2-6, 6-4, 7-6. Aujourd'hui, Herbert affrontera Zumur. Monfils sera opposé à Garcia Lopez et Manarino à Souza. Et à noter qu'au tournoi d'Isbourne, Andy Murray s'est incliné au deuxième tour face à Edmund en 2-7, 6-4, 6-4. Allez, on s'envole maintenant pour la Russie. Tonnerre en Russie hier avec la défaite de l'Allemagne 2-0 face à la Corée du Sud. Et dans le même temps, la Suède s'est imposée 3-0 face au Mexique. Ce qui nous donne donc l'Allemagne éliminée de cette Coupe du Monde, éliminée au premier tour. C'est la première fois que ça arrive. Ce n'était jamais arrivé. La Mannschaft est donc éliminée et termine quatrième de son groupe. Premier du groupe F, c'est donc la Suède et deuxième, le Mexique. Et vous le redevinez, troisième, la Corée du Sud. Et dans le groupe E, le Brésil s'est imposé 2-0 face à la Serbie. Et la Suisse et le Costa Rica ont fait match nul, 2-partout. Le Brésil termine donc premier du groupe E et la Suisse deuxième, ce qui nous donnera donc en huitième de finale un Brésil-Mexique et un Suède-Suisse. Aujourd'hui à 16h, il y aura Japon-Pologne et Sénégal-Colombie. Et à 20h, le match pour la première place entre l'Angleterre et la Belgique, et il y aura Panama-Tunisie. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec Bad Wolves et leur reprise du titre Zombie des Cranberries. Yeah. Bad Wolves et donc leur reprise du titre Zombie hein, des Cranberries sur RJM. Un peu plus de 8h52. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mais avant de se quitter, on fait un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 16h, Les Années Bonheur avec Gilou. 18h, L'Heure des Loups avec Lou, consacré au collectif O88. 20h, Débat Déo. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit, pour la dernière avant les vacances. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.